le patrouilleur du net. Voici DominiqueArpin.ca. Le jeu de fiction interactif 33 clés se poursuit de plus belle aujourd'hui au Québec. Je vous rappelle que l'objectif est de trouver l'une des 33 clés cachées dans la province avant que les unifaux, des agents d'une police secrète, ne les découvrent. C'est Sacha, le défunt collègue de Xiran, qui les a dissimulées avant de disparaître. L'une des clés permettra de déverrouiller et de gagner une Mazda 3 2010 personnalisée, baptisée « L'âme » dans le jeu. Si vous souhaitez participer au jeu, il est bon de savoir que chaque clé est dévoilée par Roperio, un système d'intelligence artificielle, sur le site roperio.ca. Mais avant que Roperio vous indique l'emplacement d'une clé, vous allez devoir vous creuser la tête parce que chaque nouvelle clé est accompagnée d'une énigme que vous devez résoudre. Les énigmes se présentent souvent sous la forme de codes à déchiffrer et d'anagrammes. Jusqu'à maintenant, une douzaine de clés ont été découvertes par les joueurs à Shawinigan, à Québec et dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il en reste donc toujours 21 à trouver. Selon mes informations, l'action se déroule présentement dans la région de Sherbrooke. J'ai toutefois appris que demain, le mystérieux berger, un homme vêtu de blanc, va se manifester au cœur même de la ville de Trois-Rivières, ce qui veut dire que des clés s'y trouvent sans doute. Si vous êtes attentif à ce que communique Roperio et que vous vous organisez, vous aurez donc une longueur d'avance. Bonne chance! Rendez-vous demain à la même heure pour d'autres indices.